comme vous. À part ça, rien n'a changé. À part ça, rien n'a changé. Même avec un million. Je serai plus trop dans le four, à part ça rien n'a changé. Même avec un million d'euros, je sais que je vais pas me ranger. Pas un rond dans les poches, c'est pas tout le temps qu'on mangeait. Y'a des gens qui nous envient quand on sort le dernier gamos. J'ai pris de la moula, c'est ça qui roule mon commun. Ça y est, on est le 12-6 depuis tu vas ralas. Ça y est, on est le 12-6 depuis tu vas ralas. Ça y est, on est le 12-6 depuis tu vas ralas. Pas à ça moi, les interviews, les gens qui me reconnaissent, les mêmes sont plus durs qui m'envoient à leurs fesses, des gens qui me disent je connais tous tes textes, on connaît pas la tendresse, t'as une geste, on t'agresse, on connaît ton adresse, et on sait quand tu pars en vacances, on sait qu'il y a 2-3 Rolex dans la chambre, chez Ken, Kishta, dans la kitchen, je dors nu, j'ai ma carquette, je suis en détente, je suis sur le stud, y'a du filtré, y'a de la junk, y'a les motards, jaune sans casse, y'a du filtré, y'a de la junk, y'a les motards, plus trop dans la four, à part ça rien n'a changé, même avec un million d'euros, j'ai que je vais pas me ranger. C'est pas tout le temps qu'on mangeait. Y'a des gens qui nous envient quand on sort dernier gamos. J'ai pris de la moula, c'est ça qui roule mon commun. Ça y est, on est le 12-6 depuis tu vas ralas. Ça y est, on est le 12-6 depuis tu vas ralas. Ça y est, on est le 12-6 depuis tu vas ralas. Ça y est, on est le 12-6 depuis tu vas ralas. Ça fait quelques mois que tu dois du ralis. Ça y est, on est le 12-6 depuis tu vas ralas. J't'attends à quoi, petit fils de pute? T'as cru que j'allais m'arrêter là? J'connais des gens, ils sont plus que pleins. Mais dans les mains, ils ont un Motorola. J'ai pas su cette vite, j'ai rien demandé. J'ai tout fait de mes mains comme Maradona. Tu veux achat, t'as qu'à prendre de fort. C'est un fils de pute, nous on va adonner. C'est plus la même qu'avant, j'te l'assure sur la vie de ma mère. J'ai quelques habits de luxe qui valent le prix de ton salaire. Rolex au poignet, mais j'en porterai rien sous terre. Y'a des clients sous coke et y'a des clients sous terre. J'les baisse, c'est la base. Non, non, tu fais pas la bise. Ta bouche, elle sent la bise et toi t'embrasses, c'est juste ta mère. Je les baisse, c'est la base. Non, non, fais pas la bise. Ta bouche, elle sent la bise et toi t'embrasses, c'est juste ta mère. Je serai plus trop dans le four, à part ça rien n'a changé. Même avec un million d'euros, je sais que je vais pas me ranger. Pas un rond dans les poches, c'est pas tout le temps qu'on mangeait. Y'a des gens qui nous envient quand on sent le dernier gamos. J'ai pris de la moula, c'est ça qui roule mon commun. Ça y est, on est le 12-6 depuis tu vas ralas. Ça y est, on est le 12-6 depuis tu vas ralas. Ça y est, on est le 12-6 depuis tu vas ralas. Ça y est, on est le 12-6 depuis tu vas ralas. Ça fait quelques mois que tu dois du ralis. Hein, que tu dois du ralis. Ça y est, on est le 12-6 depuis tu vas ralas. C'est le 69 en personne, mon ami. 69-003 à la Villette, Sasso. C'est à la ZOB, on va tout retourner.